Quoi? Chaque matériau a une utilité différente. Le fer est utilisé pour fabriquer des armes, des armures, des casques et des objets décoratifs. Le cuivre sert à lui à fabriquer des objets du quotidien et l'étain sert à fabriquer de la vaisselle.